L'homme le plus poli de France et de Navarre, par Paul de Musset. Il y avait à la cour de Louis XIV une certaine classe de grands seigneurs qui s'étaient toujours distingués dans le service difficile du courtisan. Ces personnages ne répandaient guère leur précieux sang dans les champs de bataille, à moins que ce ne fût sous les yeux de Sa Majesté. Ils ne faisaient point de politique, regardaient les affaires de l'État comme au-dessous d'eux, et ne prenait part qu'aux événements de l'intérieur du château. Le monde finissait à 100 pas de distance du monarque, et rarement ils s'en éloignaient davantage, tant à cause de leurs fonctions dans la maison royale que de leur assiduité à faire leur cour. Ils ne s'avançaient pas comme les autres à caresser les ministres, ne se compromettaient dans aucune intrigue, et se vouaient uniquement au culte de la royauté. Être désigné pour accompagner Sa Majesté au tir ou à la promenade, présenter la canne et le chapeau, porter le bougeoir, faire la partie de reversi au petit jeu, donner de la mie-pain aux carpes des bassins, figurer en tircis dans les quadrilles, telle était leur vie. Cela datait de loin. Aussi la courtisanerie leur était-elle passée dans le sang depuis 3 ou 4 générations. Dans ces heureuses familles, les enfants naissaient avec le juste au corps à brevet et les franges au carrosse. Leur premier mot était un mot rimé, leur premier pas une courante, et leur premier hochait le collier des ordres de leur père. Le duc de Colin, frère de l'évêque d'Orléans, est le type le plus complet de l'homme de cour qui ait jamais existé, un modèle comme on n'en reverra plus, une perle du siècle des petits violons et des appartements. Sa mère l'avait conçu un jour qu'il avait eu médianoche au château et que le feu duc avait eu l'honneur d'offrir la camisole au coucher du roi. Dès qu'il fut en âge de paraître à la cour, M. de Colin, qui avait de naissance les grandes entrées, prit sa place dans la cohorte des satellites de l'astre royal, et qu'on appelait le pur de la noblesse. Il se fit remarquer tout d'abord par son exactitude infatigable en même temps que par son peu d'ambition. Plaire au roi était le but de ses efforts. Un mot gracieux était la seule récompense qu'il désira. Sa politesse était extrême, au point qu'elle devint proverbiale et qu'elle prêta plus d'une fois à rire. Mais l'honorable duc ne voulut jamais croire que trop d'urbanité fût un ridicule, et s'il n'eût pas craint d'être incivil pour ses contemporains, il leur aurait volontiers reproché de ne point assez suivre son exemple. Lorsque Marly fut achevé, le roi, qui aimait beaucoup M. de Colin, le désigna pour visiter en sa compagnie cette maison de plaisance. Comme la place y manquait, Sa Majesté ne pouvait y mener qu'un petit nombre de personnes. C'était donc un grand honneur que d'être choisi, et on jugeait par là, comme parmi d'autres détails, de la bienveillance du roi. Le duc ayant été désigné pour tous les premiers Marly, le jour qu'on oublia de le nommer, il en reçut un crève-cœur si cruel qu'il en pensa tomber malade. Le roi, ayant remarqué le lendemain sa profonde tristesse, s'informa s'il ne lui était rien arrivé de fâcheux. M. de Colin n'osa pas avouer le motif de son chagrin, mais l'évêque d'Orléans l'apprit en secret à Louis XIV. Sa Majesté était flattée au fond de cette sensibilité et promit, en considération de ce que le duc n'avait point d'emploi ni de part aux affaires, de ne plus omettre son nom sur les listes. Depuis ce moment, Colin se vit appelé auprès du monarque dans toutes les parties de plaisir, les promenades et les chasses, et s'il n'eût partagé ses avantages avec bon nombre d'autres seigneurs, on aurait pu le regarder comme l'ombre du roi tant il suivait de près Sa Majesté. Saint-Simon, qui malheureusement n'a presque rien laissé sur cet homme intéressant, nous en raconte pourtant 2 traits qui le peignent admirablement. Un ambassadeur l'étant allé voir, M. de Colin voulait reconduire l'étranger jusqu'à la rue. Il se trouva que ce personnage, presque aussi poli que le duc lui-même, fit 1000 façons pour résister à tant de déférence. Une lutte de civilité s'établit entre eux, et l'ambassadeur, voyant qu'il lui faudrait être vaincu à moins d'un parti violent, ferma au double tour la porte du vestibule afin d'empêcher le duc d'aller plus loin. M. de Colin, éperdu, ouvre une fenêtre des antichambres et ne la trouvant pas fort élevée, il saute dans la rue, court au carrosse de l'étranger et s'y présente encore à temps pour le saluer une dernière fois avant qu'il monte sur le carrosse. « Eh, monsieur le duc, dit l'ambassadeur, c'est donc le diable qui vous a porté ici. C'est le respect que je vous dois, monsieur, répondit Colin, et pas autre chose. Mais vous avez déchiré vos chausses. Hélas, mon Dieu, vous seriez vous blessé. N'y prenez pas garde, je vous prie. Il suffit que je vous ai rendu mes devoirs. Souvenez-vous une autre fois de ne plus vous opposer à mes désirs. » Monsieur de Collin s'était démis le pouce en sautant par la fenêtre. Le roi, ayant su cette aventure, envoya son chirurgien Félix. Après un pansement assez douloureux, le duc voulait faire honneur au praticien et le reconduire à son tour, malgré toutes les instances du monde, jusqu'aux escaliers. Ils se mirent tous deux à tirer, l'un par la clé, l'autre par la serrure, si bien que M. de Collin se démit de nouveau le pouce, et qu'il fallut procéder immédiatement à une nouvelle opération, plus douloureuse que la première. L'autre anecdote n'est pas moins singulière et fait aussi connaître l'originalité du personnage. Saint-Simon lui-même, en revenant de Fontainebleau, trouva sur la route un carrosse brisé. C'était celui de Collin. Le duc regardait à sa montre et frappait du pied avec impatience, tandis qu'un mauvais charron de village raccommodait sa voiture. Le roi donnait le soir médianoche aux Tuileries, et pour rien au monde, M. de Collin n'aurait voulu y manquer. Saint-Simon s'arrêta et offrit une place qui fut acceptée avec reconnaissance. Il y avait dans le carrosse 4 personnes, Madame de Saint-Simon ayant pris avec elle ses 2 femmes de chambre. Lorsqu'il s'agit de se remettre en chemin, Collin s'aperçut qu'on voulait laisser les 2 femmes dans le village. Il descendit aussitôt de la voiture. « Votre carrosse est au complet, monsieur le duc, » dit-il à Saint-Simon. « Je vous gênerai et je préfère rester. Au contraire, nous serons plus à l'aise, n'étant que 3 personnes au lieu de 4. Vous plaisantez sans doute. Croyez-vous que je souffrirai qu'on mit ces demoiselles à pied ? Madame de Saint-Simon aurait besoin d'elle ce soir, et je serai cause d'une notable incommodité. » Elle peut se passer de ces demoiselles pour aujourd'hui. Je n'en crois rien, monsieur. Puisque Madame de Saint-Simon les emmène à Paris, c'est qu'il désire les avoir. Cela est clair. Il m'est impossible d'accepter votre offre. Eh bien, nous prendrons une des femmes et nous laissons l'autre. Cela ne se peut pas. Si Madame la Duchesse ne voulait avoir que l'une de ses suivantes, vous n'en auriez pas 2 dans la voiture. Montez toujours. On nous serra un peu. Nous tiendrons tous les 5. Mon carrosse est fort large. À la bonne heure. J'y consens. Pendant que M. de Collin montait, Saint-Simon donna le mot à ses gens qui fermèrent la portière derrière lui et partirent au grand trot sans les femmes de chambre. Aussitôt Collin, furieux de se voir ainsi trompé, sort à moitié son corps par l'une des ouvertures et crie au cocher d'arrêter, ou qu'il va se jeter sous la roue. Le cocher, fidèle aux instructions, poursuivait sa route et le duc se serait précipité en effet si M. de Saint-Simon ne l'eût retenu à bras-le-corps. Il fallut arrêter cependant, pour prendre les 2 femmes, et quand les choses furent arrangées à la satisfaction de Collin, il fit à Saint-Simon des reproches fort sévères. « Voici assurément, lui dit-il, l'un des plus grands dangers que j'ai couru de ma vie, car je vous le déclare sur l'honneur, si vous ne m'aviez point cédé, je me serais infailliblement jeté du haut de la portière. » Par une bizarrerie de la nature qu'on ne saurait expliquer, l'homme le plus poli de l'univers avait un jeune frère dont le commerce était grossièrement désagréable, qui ne se gênait pour personne et faisait parade de son cynisme. Le chevalier de Collin aurait trouvé moyen de gâter son bonneau autant que le duc l'honorait, si son humeur sauvage et ses goûts de mauvaise société ne l'eussent tenu le plus ordinairement éloigné de la cour. Comme la vertu de la défunte duchesse de Collin était au-dessus du moindre soupçon, il fallait que le feu duc eût engendré ce dernier rejeton dans un jour à jamais néfaste, dans un moment de dégoût, à la suite de quelque atroce disgrâce, ou bien pendant une de ces heures funestes où l'esprit du mal se glisse dans l'âme la meilleure, où l'homme le mieux placé au plus beau des emplois se prend à douter de tout et se demande ce qu'il est venu faire sur ce globe de misère. Lorsqu'on voit de ces étranges anomalies dans les familles, on en doit conclure que les gens de qualité ne sauraient prendre trop de soin de ne jamais poser le pied dans la chambre à coucher de leur femme s'ils ne se sentent pas parfaitement à l'état normal pour l'esprit comme pour le corps. Il est impossible de savoir combien le duc de Collin s'est donné de peines inutiles à tâcher de former le chevalier aux belles manières, à lui prêcher l'amour de la bonne compagnie. Il n'obtint un retour de ses habits et de son exemple que des sarcasmes et de si méchants tours que nous aurions honte de les raconter. Un seul suffira pour justifier notre répugnance. Pendant la campagne de 1672, où Louis XIV assista en personne, M. de Collin et son frère furent logés dans une petite ville par une dame qui les traita de son mieux. Quoique ce fût une simple bourgeoise, le duc se conduisit avec sa politesse accoutumée. Il fit tant de chair à son hôtesse et déploya si bien sa galanterie que la dame n'eut pas le loisir de remarquer la différence qui existait entre les 2 frères. Le chevalier, d'ailleurs, ne se montra pas trop grossier et ne commit pas d'autre faute que de se retirer dans sa chambre aussitôt après le souper, ce que le duc parvint à rejeter sur la fatigue du voyage. Le lendemain, au moment du départ, Colin, ayant à payer de courtoisie pour deux personnes, se confondit en civilité et en offre de service, tandis que les carrosses de la cour défilaient, de sorte que le sien se mit en marche des derniers. Le chevalier, que ce retard avait impatienté, garda le silence durant 3 heures, puis il s'écria tout à coup. « Pardieu, mon frère, il faut avouer que vos intarissables compliments sont quelquefois une infernale chose. »« Chevalier, répondit Colin, vous ne pouvez nier que la politesse soit une qualité. On n'en saurait donc trop avoir. »« Je vais vous prouver le contraire. Si vous vous étiez contenté ce matin de remercier votre hôtesse comme tout le monde, sans l'assommer d'un déluge de phrases insignifiantes, nous ne serions pas à cette heure à la queue de la cour, à portée de mousquet des voitures des dames et réduits au voisinage des chariots qui portent les marmitons. Cela prouve seulement que les autres n'ont pas eu pour leurs hôtes tous les égards qu'ils devaient. C'est-à-dire que, du caractère dont vous êtes, si l'usage général était de complimenter pendant 1 heure entière, vous y passeriez 4 heures. Mais corbleu, cette fois je vous ai puni de votre damnée habitude de cérémonie. « Comment cela ? » demanda le duc avec anxiété. « Vous croyez sans doute avoir laissé de vous une brillante opinion chez la petite bourgeoise de ce matin. Eh bien, je gage qu'à présent, elle regarde vos politesses comme une amère moquerie. Je ne vous comprends pas, chevalier. Vous allez me comprendre. » Alors le chevalier raconta, en se servant d'expressions révoltantes, qu'à l'instant même où le duc versait à flot les paroles gracieuses, lui, se sentant pris d'un de ces misérables besoins auxquels la nature ne rougit pas, d'assujettir les personnes les plus respectables, il était allé furtivement faire une grosse incongruité dans la chambre où M. de Colin avait couché, de sorte que cette vilaine action ne pouvait manquer de lui être attribuée. À cette nouvelle, le duc poussa un cri de rage et fit arrêter son carrosse. « Qu'on dételle un cheval et qu'on me le donne » s'écria-t-il hors de lui. « Je veux retourner à Franquetrier. Et que pensera le roi si vous n'êtes pas revenu pour l'instant du couvert et du petit coucher ?» observa malignement le chevalier. « Ce sera la première fois que vous aurez manqué de faire votre cour. » Dans cette affreuse alternative, le duc se fut arraché les cheveux, s'il n'eût porté une perruque pesant 2,5 livres. « N'importe, » dit-il enfin, cédant au devoir le plus pressant, « je ne puis supporter l'infâme soupçon qui va peser sur moi. Monsieur, je vous renie dès ce jour pour mon frère et ne veux plus avoir aucune relation avec vous. »« Allons, ne vous fâchez pas, c'était une plaisanterie. » Je voulais seulement vous effrayer. Jurez-le, monsieur, jurez par votre salut, ou je ne vous croirai pas. Je vous le jure, monsieur le duc, par l'honneur de votre nom. Malheureux, vous êtes indigne de le porter, ce nom que je voudrais pouvoir vous arracher. Eh, ne peut-on rire un peu et être un Colin ? Ne riez jamais avec moi de la sorte, monsieur. Le chevalier eut bien de la peine à persuader à son frère qu'il avait fait une fausse peur. Colin, remonté dans son carrosse, passa la plus triste journée du monde, regrettant à chaque instant de n'avoir pas été vérifié si cet horrible conte n'était pas une réalité. Le menu des courtisans se divertit beaucoup de cette histoire, et le roi lui-même en daigna sourire dans un moment d'abandon. Mais en résultat, le chevalier n'y gagna que du mépris, tandis que le duc, son frère, prit une meilleure place dans l'esprit des dames. Ce n'est pas que M. de Colin ne fût pas un homme à bonne fortune, il s'en faut bien. Le respect des convenances était trop puissant chez lui pour le laisser franchir certaines limites qu'on ne dépasse guère sans que l'urbanité se trouve engagée dans une lutte fâcheuse avec la nature si souvent grossière. Colin était trop bien avec le sexe entier pour recueillir des faveurs particulières. Il savait se mettre tout d'abord en des termes excellents, mais au bout d'un mois, il se trouva au même point que le premier jour. Sa vie était un préambule parfait, mais éternel. L'honorable duc était d'ailleurs d'une complexion peu amoureuse. Les passions jettent trop de troubles dans l'âme pour laisser la liberté d'esprit nécessaire à l'homme de cour, et pour cette raison, il s'en garda soigneusement. Cependant, il paraît certain que M. de Colin se sentit une fois blessé au cœur par les charmes d'une jeune veuve, héritière d'une grande maison de Bretagne, et dès l'instant que cette merveille fut opérée, on pouvait prédire, sans être magicien, que la dame aurait un jour à Versailles le tabouret de duchesse pour peu qu'elle montrât d'habileté. Ce fut dans ce même voyage en Hollande, où le chevalier se conduisit si mal, que Colin vit pour la première fois la marquise de Kergoët à la portière d'un carrosse de la suite du roi. Le duc était à cheval dans ce moment avec d'autres personnes de qualité. « Je ne sais si je rêve, » dit-il en se frottant les yeux, mais je crois remarquer parmi les dames un visage que je ne connais pas. Il est étrange, en effet, répondit un des seigneurs, que le civil Colin puisse découvrir à la cour une figure qu'il n'a pas encore saluée. Je vais vous expliquer ce mystère. Cette jeune femme est la veuve d'un brave officier moreau servi dans la marine. Elle est arrivée à Paris le jour même du départ de Sa Majesté, et comme elle est de bonne famille, elle a obtenu la permission de suivre la cour. On la dit coquette et de plus assez légère. « Elle est veuve !» s'écria Colin. « Le ciel en soit loué !»« Eh, que veut dire cela ? Est-ce que vous deviendriez amoureux ? C'est l'occasion d'utiliser votre savoir-vivre. Je gage que vous n'osez pas aborder cette dame et engager la conversation. Allons, Colin, faites-le beau, la jolie veuve n'est pas méchante. » Celui qui parlait ainsi n'avait pas achevé que M. de Colin, portant la main à son chapeau et se courbant avec assez de grâce, avait déjà placé son cheval près de la portière en débitant à la dame un lieu commun de galanterie. Il y demeura jusqu'au soir, de sorte qu'en arrivant à la coucher, les railleurs furent obligés d'avouer que Colin et la jeune veuve paraissaient être les meilleurs amis du monde. Le roi n'allait jamais à la guerre sans sa maison, qui ne s'élevait pas en campagne à moins de 5000 personnes. Malgré les soins et l'exactitude de M. de Cavois, le maréchal des logis, il arrivait souvent que tout n'était pas prêt au moment où la cour quittait les carrosses. Un jour, entre autres, après une marche forcée d'environ 6 lieues, on tomba au château de Brissac, furieusement en désordre. Les logements n'étaient pas marqués. Les marmitons ne trouvèrent que de mauvais fourneaux, et il n'y avait point d'appartement convenable pour le jeu, de sorte que Sa Majesté fut de mauvaise humeur, ce qui acheva de faire tourner les cervelles. Le roi ne pouvait dîner sans les dames, et comme elles n'avaient pas eu le temps de s'habiller, elles assistèrent au repas dans leurs costumes de voyage. Cette noire forteresse de Brissac ressemblait à une prison. Tous les cœurs étaient oppressés. Jamais on n'avait encore senti à ce point les horreurs de la guerre. Colin avait l'âme navrée de voir le plus grand monarque du monde en ce lugubre séjour. Il faillit tomber à la renverse en apprenant que mademoiselle, la cousine germaine du roi, n'avait point de rideau à son lit. « Nous serons plus heureux une autre fois, messieurs, » dit Sa Majesté en sortant de table. « Ce que nous avons de mieux à faire, c'est de nous coucher et de partir demain dès 9 heures du matin. » Ce puissant prince, en opposant une résignation héroïque au coup de la fortune, rendit un peu de courage à la cour. Mais chacun sentit, en se retirant sans avoir fait le brûlant et le reversi, combien il est pénible de voir les têtes couronnées payées de leur personne dans les occasions d'importance. Colin, ayant eu l'honneur du bougeoir, quitta des derniers la chambre royale. Il marchait par les sombres escaliers de la forteresse et rêvait au triste spectacle du coucher de Sa Majesté dans une chambre mal meublée. Lorsqu'une dame éplorée se présenta devant lui, c'était la marquise de Kergouët. « Vous me voyez dans une cruelle perplexité, monsieur le duc, » dit la dame. « Tout le monde est au lit depuis 1 heure et je cherche mon logement sans pouvoir le trouver. Mon nom n'est écrit sur aucune porte. Monsieur de Cavois m'a évidemment oublié. » Colin tressaillit des pieds à la tête. Toute sa personne respira aussitôt l'empressement et le désir ardent d'être utile. C'était bien autre chose, cette fois, que l'affaire des 2 femmes de chambre. « Ô ciel ! » s'écria-t-il. « Si j'étais maréchal des logis, je ne survivrais pas à une pareille bévue. »« Il n'y aurait pas de quoi se tuer, » répondit la marquise, flattée de ce langage chevaleresque. « Je me tuerai pourtant, je vous assure. Mais il ne s'agit pas de faire des suppositions. Il faut que je vous tire de la peine où vous êtes. Demeurez un moment ici. Je vais chercher Cavois et vous l'amener. » Le duc poursuivit en vain le maréchal de logis par tout le château. Cavois, ayant perdu la tramontane, s'était allé loger en ville. M. de Colin se remit seul et au désespoir. « Voilà qui devient plaisant, » dit la jeune veuve, prenant gaiement son malheur. « Il paraît que je vais passer la nuit dans les escaliers. Si je connaissais quelques dames, j'irais lui demander asile. Mais je suis nouvelle à la cour. Je ne vois donc qu'un parti, madame, c'est que vous acceptiez mon logement. Et vous ? Dit la marquise avec embarras. Ne vous inquiétez pas de moi, je ferai comme je pourrai. Arrivé à l'appartement du duc, on ne trouva qu'une pièce précédée d'une antichambre. Le logis n'est pas brillant, reprit Colin, mais au moins vous serez chez vous. Et mes femmes, que je n'ai pu retrouver ? S'écria la dame avec effroi. Je vais mourir de peur, seul dans cette chambre avec des murs si épais et une fenêtre en meurtrière. Encore si la porte pouvait se fermer, mais la serrure même paraît en mauvais état. Pauvre dame, répéta plusieurs fois le duc. « Et où irez-vous ? » demanda la marquise. « Je n'en sais vraiment rien. Mon frère le cardinal n'est pas du voyage. Vous vous contenteriez-vous de cette antichambre ? Je m'y trouverai parfaitement, mais je crains de vous gêner. Ce n'est pas là ce qu'il faut craindre, car votre voisinage me serait de grand secours contre la peur, mais... Je comprends, madame. Les convenances, le soin de votre réputation me font un devoir. » Colin allait prendre congé, si la jeune veuve n'eût ajouté. « Cependant, on n'est pas tous les jours à la guerre. La terrible chose que la guerre. Et je pense que le désordre qui règne à la cour aujourd'hui sera aux yeux du monde une excuse suffisante. J'aimerais mieux coucher au milieu des bois que de vous exposer au moindre soupçon. Je me ferai scrupule de vous renvoyer une pareille heure, monsieur le duc. Et puis, décidément, je ne suis point tranquille dans ce séjour affreux. Vous m'obligerez en restant près de moi. Il ne m'est plus permis d'hésiter, madame. Je dormirai sur une chaise dans l'antichambre. C'est cela. Demain, nous compterons simplement ce qui arrive, et j'espère que personne n'y pourra rien trouver à blâmer. Le premier qui s'en aviserait aurait affaire à moi. Monsieur le duc, je n'accepte votre sacrifice qu'à une condition, c'est que vous prendrez un des matelas de mon lit pour dormir à terre. Une chaise me suffira, je vous assure. J'exige que vous acceptiez le matelas. Le duc fit une longue résistance, mais la marquise l'ayant menacé de retourner par les escaliers, il fallut bien se résigner. Les préparatifs du coucher se firent gaiement. Colin dut à cette aventure bizarre d'arriver subitement à une sorte d'intimité comme il n'en avait jamais eu avec aucune femme. « Singulière chose que la guerre, » murmura-t-il, pendant que son valet de chambre raccommodait le lit de la jeune dame, qui pourrait jamais prévoir de pareils événements. Le matelas étant disposé avec le manteau du noble duc, M. de Colin souhaita le bonsoir à la marquise et se retira dans l'antichambre. Il y était à peine depuis 10 minutes lorsqu'il entendit des plaintes. Il s'approcha de la porte avec inquiétude. « Mon Dieu, que je suis donc malheureuse aujourd'hui, » disait la jeune veuve. « Qu'arrive-t-il encore ? Qu'avez-vous, madame ? Au nom du ciel ! Le sort a juré que je ne pourrais me coucher de la nuit. Il faudra que j'y renonce, si vous ne venez à mon aide. » Colin ouvrit la porte. La marquise remit à la hâte sa gorgerette, mais non pas assez promptement pour cacher aux yeux du duc empressé les épaules magnifiquement blanches. Quant à ses bras, qui étaient les plus ronds du monde, elle ne songea pas à les couvrir. En voyant ce négligé galant étant de beauté à demi dévoilé, le noble seigneur éprouvait un trouble extraordinaire dont il ne pouvait se rendre compte. « Je ne réussirai jamais à ôter ma robe, » dit la dame en riant. « Il y a par derrière une agrafe que je ne puis atteindre. Ces robes à queue sont fort incommodes, et je ne peux pas non plus dormir ainsi tout habillé. » Le duc, ayant détaché l'agrafe rebelle, aperçut un dos charmant et son trouble s'en accrut bien davantage. La pensée lui vint de poser ses lèvres sur une peau plus douce que le velours qui la couvrait. Cette étrange tentation lui inspira une terreur profonde. Il avait été sur le point de perdre le respect pour une femme de qualité. Rappelant à lui sa fermeté, Colin retrouva bientôt le sentiment de ses devoirs et triompha de l'esprit du mal dont le souffle avait pénétré un moment dans son âme. « Étonnante chose que la guerre, » dit-il encore, en jetant malgré lui sur les charmes de la marquise un regard dont il s'avouait l'indiscrétion. « Mon cher duc, » répliqua la dame en souriant, « promettez-moi que dans le récit que vous ferez demain, cette circonstance ne sera pas mentionnée. Les méchantes langues sauraient l'interpréter fort mal pour ma réputation. Tranquillisez-vous, madame, je jure sur mon honneur de n'en jamais parler, et vous reconnaîtrez que je suis un homme discret auquel on peut se fier. Je n'en doute pas. » Quoique son ministère ne fût plus nécessaire, Colin attendait, sans pouvoir se décider à sortir. La marquise avait dénoué ses cheveux pour les enfermer dans un mouchoir dont elle se faisait une coiffe de nuit. Le duc, transporté d'admiration, eut l'idée de se jeter aux genoux de la dame pour lui avouer son amour. Mais il comprit heureusement qu'une déclaration si grave ne devait point se faire dans un pareil moment. Il y avait alors trop de séducteurs qui abusaient le beau sexe par des offres trompeuses, et pour rien au monde, il aurait risqué d'être confondu avec ces hommes sans conscience. Cependant, la marquise, ne lui disant pas de se retirer, il demeurait à la contempler en silence dans une irrésolution pénible. Il serait sans doute encore dans cette cruelle position si on eût frappé à la première porte en criant d'ouvrir de la part du roi. « Je suis perdu, » s'écria madame de Kergoët. « Perdu, et pourquoi donc ? Si on découvre que je suis ici, on croira que nous n'avions pas l'intention de le dire. « Madame, je ne suis pas de ces gens dont la loyauté puisse être soupçonnée. Rassurez-vous, je prends tout sur moi. » Colin passa sans bruit dans l'antichambre et ouvrit au messager du roi. C'était Guitry, le grand maître de la garde-robe. « Monsieur le duc, » dit-il, « le prince de Condé vient d'envoyer au roi 4 prisonniers de qualité. Sa Majesté, ne sachant où les loger, vous prie d'en recevoir un pour cette nuit, monsieur le comte Bannerscombe, seigneur hollandais. Mais que vois-je? Que signifie ce désordre et ce matelas à terre? Ce n'est rien, Guitry, c'est une sottise de cavois. Je vous conterai cela demain. Guitry promena autour de lui des regards de défiance et sortit à regret pour conduire les autres prisonniers. « Monsieur, dit le duc à son hôte, je suis désespéré de ne pouvoir vous offrir mon lit. Une impérieuse nécessité m'a forcé de le donner à une dame. Il ne me reste plus que ce matelas, et je vous le cède de bon cœur. »« Monsieur, répondit le prisonnier qui était aussi d'une politesse obséquieuse, jamais je ne consentirai à vous en priver, je dormirai sur cette chaise. Oh, monsieur, je ne me coucherai pas de la nuit, plutôt que de vous voir aussi mal à votre aise. » Ni moi, je vous assure, à moins que vous ne consentiez à partager le matelas avec moi. Je vous gênerai, il est trop étroit pour deux personnes. Alors gardez-le pour vous seul, je vous en supplie. Monsieur, c'est impossible, je préfère le partager puisque vous le voulez absolument. Ils s'étendirent dans leurs manteaux et se couchèrent côte à côte, mais à force de se reculer l'un et l'autre pour se laisser plus de place, ils finirent par s'endormir sur le plancher, laissant le matelas entièrement libre entre eux deux. Pendant ce temps-là, Guitry avait porté aux jeunes gens de messieurs les ordinaires du roi une étrange nouvelle. Colin était en bonne fortune. Il avait reçu le messager sur le seuil de sa porte sans laisser pénétrer à l'intérieur, et le prisonnier devait être couché dans la première pièce. Il fallait qu'il y eût une dame dans la seconde chambre. On fit des gorges chaudes de cette aventure, et à force d'en jaser, on résolut de s'assurer de la vérité. Mais comment s'introduire dans l'appartement d'un duc sans risquer de s'attirer une mauvaise affaire ? « En revenant seul, on a le droit, dit monsieur de Guitry. En revenant. »« Voilà le moyen trouvé, s'écrièrent les jeunes gens. Tout est permis aux habitants de l'autre monde. L'âme d'un ancien prisonnier pourrait fort bien errer dans cette forteresse. Que l'un de nous se déguise en esprit et se glisse dans le logis de Colin. Mais il faudrait ouvrir la porte sans bruit. Elle tient à peine sur ses gonds. »« Je propose un expédient, dit un des gentilshommes. Nous voici 15 réunis, prenons toutes les clés de nos chambres, il s'en trouvera bien une qui entrera dans la serrure. » Et qui fera le rôle du fantôme? Il faut que ce soit un duc, afin que s'il résulte une querelle, aucune objection ne soit élevée sur la qualité des combattants. Le duc de Rochefort fut choisi. On l'affubla d'un drap, on lui blanchit le visage, et on lui mit une torche à la main. La serrure fut bientôt ouverte, et le revenant s'étant introduit, les gentilshommes se retirèrent doucement. Monsieur de Colin se réveilla dès que la lumière frappa son visage, tandis que son compagnon de lit, qui s'était battu rudement la veille, demeura plongé dans un sommeil profond. À cette effrayante apparition, le premier mouvement de Colin fut de saisir un pistolet et de coucher en joue le fantôme. Il allait tirer et envoyer le faux esprit dans la tombe si M. de Rochefort, avec un admirable sang-froid, n'eût imaginé de faire un grand salut. Colin pensa aussitôt qu'une âme si honnête devait appartenir à un seigneur de l'ancienne cour fameuse par ses belles manières. Il déposa son arme, et s'inclinant à son tour devant le fantôme, il lui demanda ce qu'il pouvait pour son service. Rochefort, craignant d'être reconnu s'il parlait, jugea prudent de garder le silence et fit signe au duc de le suivre. « Je suis à vos ordres, » répondit M. de Colin, avec sa civilité habituelle. « Veuillez passer devant et me montrer le chemin. » Le fantôme parcourut au hasard les corridors du château. Il avait acquis la certitude que Colin n'était pas en bonne fortune. Il ne savait où conduire son homme, ni comment mettre fin à cette promenade. Il imagina d'éteindre son flambeau, et il l'inclinait déjà pour mettre le pied sur la flamme, lorsque le duc le pria fort poliment d'arrêter. « Permettez de vous faire une observation, dit Colin. Je présume que c'est ici le lieu où on vous a enseveli, et que vous désirez être porté en terre sainte. » L'esprit fit un signe de tête affirmatif. « Eh bien, je serai fort en peine demain pour retrouver la place, si vous me laissiez dans l'obscurité. » Veuillez, si cela ne vous gêne point, me prêter cette torche. Elle me servira du même coup à regagner mon logement. Excusez-moi, je vous prie, c'est le désir de vous être agréable qui me fait commettre cette indiscrétion, et je présume que la lumière ne vous est pas absolument nécessaire. » Monsieur de Rochefort donna le flambeau. « À présent, reprit Colin, vous pouvez compter sur mon zèle à vous satisfaire. Avant de quitter ce château, je ferai chercher votre corps et dire une messe pour votre repos. Je suis flatté de l'honneur que vous m'avez fait de me choisir pour cet emploi. C'est une marque d'estime à laquelle je suis extrêmement sensible et vous pouvez me tenir pour votre très humble serviteur. » Le duc prit congé du fantôme le plus civilement du monde et retourna se coucher, laissant Rochefort dans les escaliers, où il pensa se rompre le cou et demeura une grande heure sans retrouver son chemin. Malgré toute sa diligence, Colin arriva le lendemain au lever du roi, comme l'histoire du revenant venait d'être racontée. « Eh, venez donc, mon cher Colin, » dit sa majesté, « un étrange soupçon a plané sur vous hier. On vous accusait d'avoir mené à mal une de nos dames, de l'avoir entraînée jusque dans votre chambre pour la nuit. » « Il paraît, répondit le duc, que la calomnie n'a pas perdu son temps ce matin. L'accusation était si terrible que les morts en sont sortis de leur tombeau, mais ils n'ont pas trouvé sujet de vous faire un reproche. Dites-nous à présent ce que vous cachez avec tant de mystère au fond de votre chambre. » Colin conta tout ce qui était arrivé avec une bonne foi que personne n'osa mettre en doute. Puis il se tourna vers le grand maréchal des logis, qui était présent, et le regardant avec l'air de l'intérêt et de la pitié, il ajouta. « Mon pauvre Cavois, je suis au désespoir d'être contraint de dire à Sa Majesté la faute que vous avez commise hier. Mais vous devez comprendre que l'honneur me fait un devoir de ne rien faire. Nous pardonnerons à Cavois, reprit le roi, mais il faut que je vous félicite, monsieur de Colin, du bonheur que vous avez de jouir d'une excellente réputation. Si la marquise de Kergouët avait accepté la chambre de quelque mauvais sujet, comme Lauzun ou monsieur de Guiche, jamais on n'aurait voulu croire que les choses se fussent aussi bien passées. Voilà ce que c'est, messieurs, qu'une vie exemplaire. Les apparences trompeuses ne sont funestes que j'en suspecte à bon droit. Madame de Kergouët n'a rien à craindre de la médisance. « Je l'espère, » dit Colin, « car si votre majesté veut bien m'en donner l'autorisation et que la marquise accueille favorablement l'offre de ma main, je l'épouserai au retour du voyage. Ah, vous en êtes donc devenu amoureux cette nuit. Sire, je l'étais avant cette aventure. » « Eh bien, je vous donne carte blanche. » Le premier mariage qui fut célébré à la fin de la campagne fut celui du duc de Colin et de la marquise de Kergouët. À la conduite un peu légère de la jeune veuve, on pourrait penser qu'elle a donné des soucis à son mari. Ce serait une grande erreur. En recevant un nom illustre et le tabouret, elle comprit toute la gravité de sa position et n'eut jamais l'idée de faire une tâche à ce nom si estimé. Il ne faut pas croire non plus qu'avec sa politesse extrême, M. de Colin fut un homme privé d'énergie et de volonté, incapable de guider une femme sans expérience à travers les écueils de la cour. Avant la fin de cette même campagne, où il devint amoureux de la marquise, il eut l'occasion de montrer son caractère sous une face qu'on ne connaissait pas encore. Autant M. de Colin avait de la courtoisie pour ceux qui restaient en de bons termes avec lui, autant, lorsqu'on s'avisait de lui manquer, il se montrait prompt à la vengeance et difficile dans la réparation de l'insulte. Il n'est pas étonnant que dans le pays le plus civilisé de l'univers, un long temps se soit écoulé sans qu'il se rencontrât une circonstance où le noble duc fut contraint de dépouiller sa bienveillante urbanité pour l'implacable fureur d'un lion en courroux. Cependant, un beau jour, le monde eut tout à coup cet effrayant spectacle. C'était le soir de la prise de Mons. Le maréchal des logis n'avait commis cette fois aucune erreur. Et si chacun eût pris son parti des petits désagréments inévitables en temps de guerre, il ne serait rien arrivé de fâcheux. Mais M. de Créqui, trouvant mal commode le logement qu'on lui avait donné, s'en alla délibérément choisir un autre à sa convenance et sans égard pour l'inscription à la craie qui portait ces mots « M. le duc de Colin ». L'imprudence s'établit dans l'appartement du noble seigneur en se disant sans doute « Colin est un homme si poli qu'on n'a pas à craindre de le mettre en colère. » Si M. de Créqui s'y était pris civilement, et s'il avait seulement témoigné le désir de faire un échange, Colin serait plutôt allé dormir à la Belle Étoile que de répondre par un refus. Mais en voyant qu'on s'était permis de traiter aussi légèrement un homme de sa qualité, il se sentit transporté d'indignation. Il courut à l'appartement du maréchal de Créqui, le frère de l'usurpateur, et qui, ayant un commandement à l'armée, était magnifiquement logé. Il trouva ce logis encore vacant et en prit possession. Puis il posta ses valets à la porte, le pistolet au poing, en leur ordonnant de massacrer quiconque voudrait forcer le passage. Le maréchal ne tarda pas à paraître. « Monsieur, lui cria Colin, votre frère s'est insolemment établi chez moi. Je vous conseille de lui donner une semonce, car si vous prenez parti pour lui, le sang va couler ici, je vous en avertis. Eh, ne vous fâchez pas si fort. » répondit le maréchal. « Nous ne nous égorgerons pas pour si peu, mon cher Colin. Gardez mon logement, si vous le voulez. Je vous promets de gronder comme il faut, mon frère. »« Ce n'est pas assez, monsieur, ce n'est pas assez. il me faudra encore des excuses, et cela en public, ou bien je porterai plainte au roi. Et si on ne me rend pas justice, il y aura entre nous une guerre éternelle à ce sujet. Nous verrons si Sa Majesté s'offrira que le désordre sera nouvelle chaque soir. Allons, dormez tranquille, Colin. Tout s'arrangera. Le lendemain, le différend fut soumis au roi, qui approuva Colin en tout point et fit à M. de Créqui des reproches fort durs. L'accommodement entre les deux seigneurs ne se fit pas sans beaucoup de peine et ne serait jamais arrivé à bien sans l'entremise de Sa Majesté. Cette affaire donna la plus haute idée de la fermeté de Colin et lui gagna davantage l'amitié du monarque. Depuis ce jour, on ne plaisanta plus autant sur la civilité du noble duc, qui n'en demeura pas moins l'homme le plus poli de France et de Navarre. Paul de Musset.